Mais on fait des choses obscènes. En dehors des bras, nous deux c'est que des problèmes. Je te prête à d'autres rappeurs, on partage à ta thème. L'amour était physique, les magazines disent qu'on t'aime. Les mecs sont des montagnes, on dit un tire fesse. Tous les mecs fantasment sur ma princesse. Garde les mains dans ton poker, c'est ma bitch, yes. Comme Kimi Kani, c'est pour le business. On le fait dans des palaces, tu prends ta grosse OF1. Dans la rue, je vois des flammes, des paparazzi. Les repas, les taxis sont payés par tes F1. Nos sommets racines, en couverture de voitures. Mes parents la connaissent, ils l'ont vu à la télé. Papy, la son charmante, veut que la ramène à Noël. Enfant, je rêvais d'elle, c'était la femme de ma vie. C'est pas éternel, nous deux, c'était écrit. Nous deux, nous deux, nous deux, nous deux, nous deux. Nous fait l'amour en cafale. On roule comme Bonnie and Clyde. Faut pas te mettre entre nous deux, nous deux, nous deux. Nous deux, nous deux, nous deux. En vrai, on s'embrouille à balle. Si demain tout part en l'air, ce sera normal. Je vais pas baiser mes fans comme faisaient les Rolling Stones. Fils des gros poissons comme Jennifer Aniston. Je tiendrai pas la main, il me reste du bras dans la paume. Elle est pas trop bavarde, mais elle sait parler aux hommes. Tous les coups modèles devant les caméras. La nuit, je tape dedans comme dans une pinata. Elle veut que je sois en forme, que je prenne du kamadra. J'appelle par son prénom, c'est ma petite Amara. Elle a les courbes, elle est à bras. Les préfères, je n'ai mes bullies. On l'a fait laver, pas de ça. Je sais que ma mère a l'âge de tes copies. Tu fais partie des ex que j'en raconterai à mes gosses. C'était parce que j'étais beau gosse ou juste parce que j'avais la gosse. Quoi qu'il arrive, c'est dans mon cœur, c'était même dans ma chambre en poster. T'inquiète, elle s'excepte, je veux pas la poster. Bang, bang, bang, bang, bang. Tu m'as braqué mon cœur. Bang, bang, bang, bang, bang.